Eh, Dan, bien ou quoi? T'es bien ou quoi? Régulière, alors, elle est où ton équipe là? Bah, je sais pas où sont les mecs. Seul tout là ou quoi? Je suis seul tout, je sais pas où sont passés comme les moi. Vas-y, on appelle. Putain, débarquez! Débarquez! Non, plus on est fou, plus on rit. Débarquez! Plus on est fou, plus on rit. Ouais, débarquez! Plus on est fou, plus on rit. Débarquez! Plus on est fou, plus on rit. On débarque en poule D, et les fous vont bouder. Soyez pas coudés, si on vient s'amuser, on débarque en beauté. Les meufs on va beauté, arrêtez de papoter. Après on vient vous monter. On est plein comme dans une cave sur une tête. Plein comme la population à Pékin. Plein comme tous les faux qu'on met dans le pétrin. Plein comme tous les frères qui sont sur le terrain. Et on est bien, plus on est de fous, plus on rit. Et on a rien, pas de mauvais à prendre à l'abri. Sans gain, on arrive à péter des vagins. À rarement rester à jeun. Et tout ça sans argent. Et enfin on vient à peu près à 20. J'fais que les gros mais requins. On est beaucoup en faim. On est beaucoup en chien. Sans collier, sans vaccin. Antillais, africain. Prêt à prendre le butin. Plus on est de fous, plus on rit. Plein de barges. Faut plus de fric. En trou. On pratique le bruit. Fonce dé. Donc mec, ça plus on est de fous, plus on rit. Plein de barges. Faut plus de fric. En trou. On pratique le bruit. Fonce dé. Donc mec, ça plus on est de fous, plus on rit. Plein de barges. Faut plus de fric. En trou. On pratique le bruit. Fonce dé. Donc mec, ça plus on est de fous, plus on rit. Plein de barges. Faut plus de fric. En trou. On pratique le bruit. Fonce dé. Banana kiff, mon banana j'cliffe. Cardana, Panama, in. Les pieds dans le plat, un fara qui rime. J'essaie d'être classe, papa. Vest, Prada et jean. Caisse, pas mal et clean. Donc laisse-moi l'origine. J'ai qu'un sac dans mes jeans. Caisse, t'as trop ma weed. Rien, donc pose la tes fesses. Prépare-moi un film. Plus on est fou, plus on rit. Plus j'ai des sous, plus je brille. Comme plus je suis sous, plus j'écris. Le but est de faire beaucoup de bruit. J'ai rarement le calibre ou le coup sorti. J'suis pas une mauvaise graine, mais j'pousse parmi une mauvaise herbe et beaucoup d'orties. À la fac, j'écrivais mes raps au cours d'envie. J'ai traîné plein de meufs bien derrière des soucoupes sorties. Non-stop, pop, propre, soucoupe l'ampli. Avec un penchant pour le tranchant jusqu'à ce jour rempli. J'prends le mic tel un fétiche. J'bénis mes textes, j'décris des tests. J'ai mal car la vérité blesse. L'air me délivre du stress, me relaxe. Comme quand une jolie négresse shampooing graisse, puis relie maîtresse. Plus on est fous, plus on rit. Plein de barres, donc faut plus de fric. En trou, on pratique le bruit. Fonce dé, donc mec ça plus on est fous, plus on rit. Plein de barres, donc faut plus de fric. En trou, on pratique le bruit. Fonce dé, donc mec ça plus on est fous, plus on rit. Plein de barres, donc faut plus de fric. En trou, on pratique le bruit. Fonce dé, donc mec ça plus on est fous, plus on rit. Plein de barres, donc faut plus de fric. En trou, on pratique le bruit. Fonce dé, donc mec ça galerie. Beaucoup de fous donc. On veut beaucoup de fous pour se taper des barres comme 15 mecs sous. En troupe de chimpanzés, on fuck les chiens pensants. Dans ce bled posé, mais pas pour longtemps. Le temps nous mettre aisé, le maximum baisé. Maximum plié, minimum payé. Y'a besoin d'une autre Benz, un autre cuir. Prendre une autre cuite, toucher d'autres cuisses. Assouvir tout un tas d'autres vices. J'suis pas un prêcheur, plutôt un pêcheur. Trouve ma base sur des disques, mixtape et t-shirt. Tous mes amis sont des tricheurs. Chaîne en or afficheur, on reste busy. Comme l'homme sur nos mécheurs. Plus on est fou, plus on rit. Plein de barres, donc faut plus de fric. En trou, on pratique le bruit. Fonce dé, donc mec ça plus on est fou, plus on rit. Plein de barres, donc faut plus de fric. En